Zydienko, Arc-en-Ciel, Orléans, Pochette Surprise. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 16h12 et c'est toujours DJ & Co, pochette surprise, partie, surprise partie, numéro 2. Square rooms, a human without illusion. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, il est 16h19, nous sommes le 29 janvier. Je viens de recevoir des personnes qui pratiquent dans l'hypnose de rue, l'hypnose de thérapeutie aussi, l'hypnose de spectacle. Simplement pour vous informer que la semaine prochaine, jeudi, je recevrai Sylvain. Sylvain est un ingénieur du son, il nous vient directement de Paris, il travaille à Paris, il travaille au Philharmonique de Paris et il viendra nous parler du son, du réglage, du mixage et du mastering. Voilà, si vous aimez le son, n'hésitez pas à vous brancher. Donc, jeudi prochain sur Arc-en-Ciel 96.2 en FM ou sur le web Arc-en-Ciel, radioarc-en-ciel.com.

And the strangest voice on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna. Susanna. Bianco, Arc-en-Ciel, Orléans, Pochette Surprise. Pochette Surprise, il est 16h43, il nous reste un petit quart d'heure. Et juste avant de passer avec Bill Baxter, Embrasse-moi, idiot, juste un petit message pour Sylvain. Sylvain sera avec nous jeudi prochain à la place de l'invité, bien sûr, évidemment. Et il va nous parler d'une chose éminemment sympathique, le son. Sylvain n'est autre que l'un des ingénieurs du son du Philharmonique de Paris, et il va venir nous parler de son métier, de comment l'on mixe et comment on masterise, et en fait, à quoi ça sert. En attendant, Embrasse-moi idiot, Big Buster. Charmant, épatant, elle, ses amours riment avec

16-2. Nous sommes dans Didier & Co et le vol va se terminer ici avec Monsieur Claude Nougaro. Monsieur Claude Nougaro qui nous chante façon comme on dit. Et nous repasserons un petit vol du côté du Portugal. Saluer nos amis de RDP dans quelques minutes, il y en a à peine une petite trentaine de secondes. À très bientôt, à jeudi prochain, bien évidemment, Didier & Co à partir de 14h. Merci de votre écoute.